Bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu que Paul a répété deux fois. Parce qu'il a dit bonjour, n'a pas répondu comme il voulait. Il a dit encore bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Ok. Je crois que c'est encore une grâce pour nous. Et surtout, la fraîcheur que nous avons eue la nuit. Même si ça remplit certaines choses. Mais on dit merci à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas demander et puis nous attendre à ce qu'il donne comme nous voulons. Mais nous disons merci parce que c'était réellement le cri de cœur de chacun. Dieu a étendu sa main, il nous a écoutés et on va continuer toujours à prier pour la saison hivernale. Ce matin, avant de passer à la prédication, je voudrais que nous prions pour un certain nombre de sujets. Il y a que la semaine, le jour du jeûne et prière, la SINA n'avait pas pu remettre les sujets de nos frères du Canada. Et comme nous avons la semaine prochaine encore, nous sommes sûrs que nous allons avoir d'autres sujets. Donc nous allons confier les sujets que nous avons reçus déjà pour que nous soyons dans le temps. Et en plus de cela, nous avons un certain nombre de sujets aussi que nous allons lever pour encore demander la grâce de Dieu. Le premier sujet qui a été donné par l'église des parents de Tani, ils ont demandé de prier pour que Dieu bénisse le ministère de leur nouveau pasteur, parce qu'ils ont un nouveau pasteur. Son nom, c'est Charline et Kendall, son épouse. Ils ont des enfants, Tobias et Mathéa. Donc, ils voudraient qu'on prie pour eux. Le deuxième sujet, ils voudraient qu'on prie également pour que Dieu aide la congrégation à avoir la vision et de bonnes idées pour savoir comment servir au sein de la communauté dans laquelle ils sont. Et le troisième sujet, ils ont demandé de prier pour la jeunesse. Parce que lorsque ces jeunes gens atteignent un certain âge, ils arrêtent de venir à l'église. Et la raison, il y a les emplois, il y a aussi le sport qui, pour eux, devient une priorité le dimanche matin. Donc, ils ne viennent pas à l'église encore et cela rend les choses assez difficiles. Nous sommes tous conscients que lorsqu'on arrête d'aller à l'église, doucement, on finit par se noyer. Donc voilà les trois sujets pour l'église des parents de Jeff. Et je vais demander à l'arranger de ma droite. Vous allez prier pour ces sujets-là. L'église de Tani, celle du pasteur Harold, ils ont dit de prier pour eux pour la préparation de leur 90e anniversaire. Ali a parlé du 10e, eux ils sont en train de parler du 90e. Et la célébration, c'est les 30 juin et 1er juillet. Ils ont demandé de prier pour que ce temps soit un temps de communion avec ceux qui ont été depuis le début, c'est-à-dire les 90 ans, il y a probablement certaines personnes qui vont venir se joindre et qui sont dans d'autres communautés, qu'ils viennent, qu'ensemble ils puissent avoir une célébration joyeuse et se rappeler encore des bons souvenirs de leurs relations les uns avec les autres. Ils ont demandé également que ce soit un moment de célébration, de confession et de guérison et surtout de réengagement. Le deuxième sujet, ils ont demandé de prier pour eux parce que cet été sera la troisième année où, au niveau de leur communauté, ils observent un mois plein où l'église est fermée, les gens vont dans d'autres communautés. Donc, ils considèrent cela comme un repos sabbatique. Que Dieu puisse renouveler leurs énergies. Et c'est du 2 juillet au 7 août qu'ils vont observer encore. C'est comme la troisième année, la troisième fois qu'ils vont faire cela. Quatrièmement, ils ont demandé de prier pour un certain nombre de parents qui ont eu des bébés et qui voudraient les confier au Seigneur. Ils ont dit de prier pour eux parce que dédier ses enfants au Seigneur, c'est une grosse responsabilité pour ses parents qui doivent s'engager à les éduquer comme la parole de Dieu le veut. Donc de prier pour ses enfants afin que dans l'amour du Seigneur, ses parents qui veulent les dédier au Seigneur puissent s'en occuper. Donc, ceux de ma gauche, je veux me joindre à vous. Nous allons prier pour les sujets du pasteur, de l'église du pasteur Aaron. Prions ensemble. Père, nous te bénissons ce matin. Nous voulons être reconnaissants parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Dans cette matinée, nous nous confions encore à toi. Nous te demandons que tu interviennes pour encore aider cette église de Spring Ridge. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons observé. Et en observant ce temps, Seigneur, nous voulons encore que toi, tu continues à les aider, à les soutenir. Père bon et fidèle, nous venons à toi avec ces parents qui vont confier leurs enfants. Ô Seigneur, quelle grâce! C'est toi qui as béni et ils voudraient profiter de cette bénédiction. Je voudrais que tu continues toujours à l'éternel Dieu aider. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, interviens pour manifester ta grâce et ton amour. Père, en ces moments, nous voulons encore te demander de les aider pour le 90e anniversaire de leur église qu'ils veulent célébrer. Papa, cela fait beaucoup de choses. Aide-les, permets-le, Seigneur, lorsqu'ils vont se retrouver, que ce soit des moments de joie, de partage, de confession, de guérison et de réengagement, Seigneur. Merci pour cette communauté. Merci de les aider. Te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Les autres sujets, je vais encore demander à l'arranger de la droite. Vous allez prier pour demander au Seigneur de réconforter la famille Koura, le pasteur du Saint, lorsqu'il est au Soum. Vous avez été informé de la maladie de son papa. Il a été transféré ici et entre-temps, au niveau de l'hôpital, ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus parce qu'ils avaient besoin qu'ils libèrent le lieu pour que ceux des autres qui viennent en urgence aussi puissent en bénéficier. Donc, comme sa famille est à Tinkorogo, donc ils l'ont transféré à Tinkorogo et finalement, je crois que c'est le samedi qu'il est décédé. Donc, l'enterrement a eu lieu là-bas. J'ai pu parler avec le pasteur. Je voudrais que nous prions pour que Dieu console cette famille. Je voudrais également demander de prier pour ceux qui ont fait le BPC et le CEP. Quoique dans notre communauté, il y en a. Il y a Samuel, il y a la sœur de Oumarou, il y a Isaac. On va prier, je pense, on parle de leur résultat du mardi, c'est ça? Donc prions pour que Dieu lui-même soit au contrôle de toutes choses. Et pour ceux qui ont le CEP, que Dieu les aide aussi. L'autre sujet pour lequel je voudrais que nous prions, pour Léa et Prosper. Ils sont en train de projeter leur mariage pour fin août. Ils n'ont pas encore choisi parce qu'il faut qu'ils réunissent les dossiers à les déposer. Donc, bon, leur projection, c'est en fin août. Donc, je voudrais qu'on prie pour que Dieu puisse préparer toutes choses. Prosper a demandé à ce que je sois son témoin. Bon, donc vous voyez que ce n'est pas une mince affaire quand même. Donc, prions pour que Dieu prépare toutes choses pour la gloire de son nom. Donc, vous allez prier la rangée de ma droite. La rangée de ma gauche, je vais vous demander de prier pour le travail que les uns et les autres sont en train de faire actuellement. Martine nous a fait voir, on a beaucoup lu les psaumes aujourd'hui, parce que Martine est en train de conduire un atelier sur la traduction des psaumes. Je crois qu'il doit avoir suffisamment d'équipe là-bas. Et vous voyez, c'est la parole de Dieu, c'est la poésie, ce n'est pas simple à travailler. Donc, priez pour que Dieu donne la force nécessaire à tous ceux qui participent à cet atelier-là. Et je voudrais que vous priez pour nous aussi, parce que nous aussi, nous sommes à un atelier, et la semaine prochaine sera la dernière semaine, où nous sommes en train de vérifier les textes pour le film Jésus, dans 9 langues. Bon, vous avez déjà vu la chose dans certaines langues, en français, en doula ou en mouré. Pour les autres langues, on utilise le livre de Luc, l'évangile de Luc, mais c'est un gros travail parce qu'il faut tout faire pour que la manière dont il parle, les lèvres bougent, que dans la langue, quand on commence à parler, lorsqu'on s'arrête, dans la langue aussi on s'arrête. Donc vous voyez ce que ça fait comme difficulté. Vous devez garder la parole de Dieu, mais faire de telle sorte que la longueur convienne. Lorsque la personne parle, de telle sorte que quand on fait la projection, on ne voit pas de différence, c'est la langue qu'on est en train de parler. Donc c'est un gros travail et ça exige beaucoup d'efforts. Bon, nous sommes dans la, on a fini la première semaine et la deuxième semaine de 8h à 18h chaque jour. Et la nuit, il faut travailler. Donc je voudrais que vous priez pour toutes ces équipes-là. Ce matin, il y a un des pasteurs qui est venu de la Côte d'Ivoire qui voulait faire le culte avec nous. Donc j'avais accepté d'aller le chercher, mais il est parti avec un autre groupe. De telle sorte que quand je suis allé pour le chercher, je ne l'ai pas trouvé, j'ai envoyé Paulin. Et un des traducteurs disait, ah vraiment, il faut que je parte en pharmacie parce que je ne me sens pas bien. Les moustiques de Ouaga mangent trop les gens. Je n'ai pas lu et il n'est pas le seul. Ils sont un bon nombre qui souffrent du palu. Bon, or il faut, c'est un travail qu'il faut finir. Donc je voudrais qu'on prie pour ces gens-là, que Dieu étende sa main, qu'il leur donne la guérison et que chacun ait l'énergie pour qu'on finisse ce travail. Et nous allons prier également pour Nancy, qui n'est pas venue ce matin parce qu'elle ne se sent pas bien. Nous allons demander à Dieu de la restaurer. Donc, ceux de ma gauche, nous allons prier pour cela. Prions ensemble. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es le vrai Dieu. Merci pour ces ateliers qui ont lieu en ce moment. Merci de ce que tu es en train de soutenir ceux qui sont en train de faire l'atelier sur Éternel Dieu, les psaumes. Merci pour le soutien que tu donnes à notre sœur Martine et tous les autres. Continue toujours à les bénir, à les soutenir, à les fortifier, à renouveler leur énergie jour après jour. Te prions également, Seigneur, pour ceux qui souffrent dans leur corps, étends ta main sur Nancy, Seigneur. Touche-la et établis-la. Les traducteurs aussi, au niveau du film Jésus, je te prie de les garder et d'étendre ta main pour leur donner la guérison. Père, nous te bénissons pour cela. Nous voulons que tu nous conduises et que toute la gloire te revienne. Toi, le seul et vrai Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Nous allons continuer avec notre partage de la semaine dernière, la parole qui transforme. Vous rappelez, avant de continuer, je vais poser quand même des questions, parce que c'est normal que je m'assure que les gens se rappellent. Ok. J'avais dit la semaine dernière que le passage qui était concerné, c'était le chapitre 8 jusqu'à 10, ça. Et je vais encourager les gens de lire. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont lu? Omarou a attrapé sa bouche. Quand un médecin attrape sa bouche, je ne sais pas comment on peut interpréter, mais en attrapant sa bouche, ça veut dire il y a quelque chose. C'est sûr qu'il n'a pas lu. Oh, docteur. Ok. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont lu? C'est pas sûr. Olivier, tu me regardes. Est-ce que tu as lu? Olivier a baissé la tête. Ah, bien. Si les gens n'ont pas lu, je pose ma question quand même. Voilà mon autre question. Vous n'avez pas lu? Bien. Mais j'ai parlé au moins de l'attitude qu'on devrait avoir avec la parole. C'est ça? C'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit beaucoup de choses à propos de notre attitude, comment nous allons vers la parole. C'est ça? N'est-ce pas? Bien. Toute la semaine, là, est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, ah, le pasteur a parlé de la manière vraiment d'aller vers la parole, là. Il faut que vraiment je change. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé un peu à ça? Il y en a eu? Hein? Mon ami a dit oui. Bon, ton nom là me dit que Dieu sait. Moi, je ne sais pas. Bien. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important pour nous. Je vous ai dit, nous avons la parole de Dieu à notre disposition sous plusieurs formats qui font qu'elle devient comme quelque chose de vulgaire. On ne la considère pas avec la valeur qu'elle a. Facilement, on plonge une clé USB dans son appareil et puis on écoute, ça parle. Et puis bon, est-ce qu'on prend, on prête attention? C'est pas sûr. Bon. Donc, ou bien, on a pris son appareil là, on a tiré comme ça, et puis on jette un coup d'œil, on est en train de regarder, est-ce que notre attention est vraiment là-dessus? Parce que la méditation, la parole, il faut mettre du temps de côté, la considérer comme elle doit être considérée. Nous avons vu le passage que nous avons lu dans Néhémie 8, comment les gens ont, avant de commencer à lire la parole, ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas tiré comme nous quelque chose et puis bon, allez, on y va. Non. Ils sont rassemblés, tout le monde. Et ce n'est pas n'importe qui. Ceux qui pouvaient comprendre. Et ensuite, ceux qui devaient lire. Il nous a dit qu'on les a placés sur l'estrade. Et ce n'était pas un seul isolé. Des gens se sont mis à côté. Et la lecture, tout le monde suivait. Une journée, debout. Avant, ils ont prié, se prosterné. Et puis, après, ils ont demandé aux scribes, ceux qui étaient versés dans cette loi, d'expliquer. Et des explications ont été données et les effets se sont rapidement vus. Les gens ont éclaté en sanglots. Ils se sont mis à pleurer parce que ces paroles leur parlaient. Ces paroles leur disaient des choses. Reprochaient des choses dans leur vie. Et vous avez vu, Néhémie, Esdras et les autres sont rentrés pour essayer de les calmer, pour leur dire non, non, non, non, aujourd'hui, ce n'est pas pour ça. Ça, c'est le premier jour. C'est un jour de réjouissance. Séchez vos larmes et vraiment, il faut qu'on se réjouisse. C'est vrai. Lorsque la parole n'est pas considérée comme il se faut, ce n'est pas sûr qu'elle ait des effets. Les effets escomptés. Les médecins vous prescrivent un produit, on vous dit de prendre à des heures données. Bon, vous vous dites ça perd du temps. Et puis d'ailleurs, j'ai pris, bon, je peux prendre les trois matin, midi, soir. Est-ce que ça va marcher? Il y aura des effets négatifs. Ou bien, la SNAP, ça sera une surdose. Et ça, au lieu que vous ayez la santé, qu'est-ce que ça va vous donner? Vous serez dans la maladie. Si on vous dit de prendre 2-2, vous prenez 1-1, est-ce que vous serez guéri? Souvent, on pèse les gens avant de leur dire, bon, tu peux prendre tant de milligrammes, c'est ça? Si vous avez un poids assez élevé, vous prenez peu, vous prenez pour un bébé, il n'y aura pas d'effet. La parole de Dieu, il faut aussi que, c'est de la nourriture. On l'a dit, je vous ai fait quand même la petite comparaison. La même nourriture physique, mal prise, ne vous apporte rien. En surdose, vous allez avoir des histoires. Elle doit être prise de façon conséquente et de façon régulière. Voilà pourquoi on demande de ne pas manger après une certaine heure. Hein? Vous venez à 22h, puis vous prenez un gros tôt, vous mangez. Votre sommeil sera un peu difficile. Ou bien, est-ce que votre ventre pourra bien broyer et puis... Non. On peut avoir à manger, mais il y a des conditions. Il faut que vous mangez la quantité convenable et à des heures convenables pour que le système ne se grippe pas. La parole, est-ce que réellement on va vers elle de la bonne façon? Et ça, c'est une responsabilité individuelle. Je voudrais que nous continuions pour voir comment ces gens, et ils en avaient besoin, ils ont été déportés. Et ça fait une génération qui ne connaissait pas les lois. Et ils reviennent. Il faut qu'on le leur explique, qu'ils comprennent et qu'ils sachent voilà la manière dont on doit marcher avec Dieu. Je dis ce matin que nous avons un privilège extraordinaire. Ou bien, nous savons lire et écrire. Ce n'est pas un privilège? Quand vous allez au village, vous regardez ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vous disent souvent de nous? Oulu, il s'appelle Lomba, oui. ce sont ceux qui connaissent papier. Ou bien, s'ils disent, vous, vous connaissez papier, les mots aussi disent même que vos yeux voient le noir. Le papier là, on écrit, c'est en noir, non? Ni le ni sable là. Ça veut dire que vous, vous comprenez plus que, et vous pouvez même les tromper. Et c'est ce qui arrive, c'est pas ça? On triche. C'est pas une histoire de parents et ceci. On fait de faux calculs et puis on dit, bon, c'est ça là, le total là. Il ne connaît pas papier, il va aller vérifier où. Donc nous avons un avantage. Combien sont ceux ici qui peuvent lire la Bible en plusieurs langues? Ils sont nombreux, non? Hein? En français, ajoutez anglais, ajoutez les autres langues, djoula et autres. Ils sont au village là-bas. Il y a des gens qui ne peuvent même pas lire. Et pourtant, ils sont vieux dans l'église. Si vous n'avez pas accès à la lecture même du passage, vous allez comprendre quoi? Moi, je pose la question. Nous avons des privilèges et ça en même temps des responsabilités parce que souvent, qu'est-ce qu'on regarde? On dit que la parole de Dieu dit que ceux à qui on a donné beaucoup, on va leur demander beaucoup et puis on se retourne et dit c'est les pasteurs là, c'est eux qui ont fait l'école biblique, c'est eux qui ont appris, c'est eux qui ont lu, c'est eux qui ont fait ceci. Mes frères, vous vous trompez, ce n'est pas les pasteurs seuls. Parce que ce que le pasteur peut lire, ce que le pasteur peut avoir, vous aussi vous pouvez avoir. Ou bien, les temps ont changé. Vous avez accès à la parole comme eux. Vous pouvez aller chercher des documents comme eux, n'est-ce pas? Vous qui êtes des professeurs là, regardez à vos professeurs d'avant. Peut-être qu'ils n'avaient pas toutes ces possibilités là. Chez nous, c'était des livres. Si le professeur, c'est lui qui a des livres qui conviennent, et vous ne pouvez pas avoir ça. Mais aujourd'hui, vraiment, est-ce que ces livres-là marchent? Le petit même va chercher sur Internet, il va avoir des choses, il vient vous montrer, il dit, mais monsieur, regardez ça là. Vous n'avez même pas vu, vous n'avez jamais cherché ça. Ou bien, donc vous voyez, ceux qui sont des élèves peuvent, s'ils se mettent au sérieux, connaître plus que le professeur. Peuvent. On le respecte, on sait que c'est lui qui est devant, qui enseigne. Mais le professeur aussi se débat pour qu'on ne vienne pas le surprendre avec des choses de ce genre-là. Lui aussi fouille. C'est pas ça? Ok. Donc, le pasteur, c'est vrai, il a des responsabilités, mais je vous assure, vous qui savez lire aussi, vous avez des responsabilités, on va vous poser des questions. Vous avez la Bible là pendant toute votre vie, votre marche. Qu'est-ce que vous en avez fait? Où en êtes-vous? Vous avez appliqué combien pour cent dans votre vie? Retournons à Néhémie. Nous allons lire quelques passages. Samuel a sa Bible français courant. Ok. Je voudrais que Samuel lise Néhémie 8, du verset 13 au verset 18. Le jour suivant, tous les chefs de famille israélites, les prêtres et les lévites se rassemblèrent pour des spécialistes de la loi, pour étudier en détail les enseignements de la loi. Dans cette loi que Dieu avait communiquée par l'intermédiaire de Moïse, ils trouvèrent le passage qui ordonne aux Israélites de vivre dans les fuites pendant la durée de la fête des buts. Au septième mois, cette fête doit être annoncée par une proclamation publiée dans toutes les villes, y compris Jérusalem. La population est invitée à se rendre dans la montagne et à ramener des branches d'olivier cultivées et sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres de fruits pour s'en faire des buts, comme cela est écrit. Alors les Israélites allaient chercher des branchages pour se faire des buts, les uns sur le toit en terrasse de leur maison, d'autres dans la cour de leur maison, d'autres encore dans les cours du temple, d'autres enfin sur la place de la porte des eaux et sur celle de la porte d'Éphraïm. Ceux qui étaient rassemblés là, ceux qui étaient revenus d'exil, se construisirent des buts et s'y installèrent. Ce fut l'occasion d'une très grande réjouissance. C'est car les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis l'époque de Josué, fils de Nun. Chacun des jours de la fête, du premier au dernier, on lut un passage dans le livre de la loi de Dieu. La fête dura 7 jours et se termina. Merci, Samuel. Voyez, le premier jour, tout le peuple était là. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Le deuxième jour, là, nous voyons qu'il y a comme une certaine restriction. Ceux qui sont retrouvés, on avait les chefs de famille du peuple, les sacrificateurs et les lévites. Ils se sont rassemblés autour d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Si vous lisez les Écritures, voyez comment le peuple était organisé. Ils étaient organisés de telle sorte que dans les familles, il y avait ce qu'on appelait des chefs de famille. Et c'était eux qui étaient responsables. S'il y avait certains litiges, c'était eux qui géraient cela. Si ça les dépasse, on monte un peu plus haut. Donc, l'organisation était bien faite. Et ces chefs de famille qui se joignaient aux scribes et autres, et lévites pour écouter, devaient rendre compte, parce que c'était leur responsabilité, de repartir vers la famille et de rendre compte de tout ce qu'ils avaient entendu. Et on nous dit que c'est lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'explication, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de très important pour la célébration de la fête des huttes. Et voyez, dès lors qu'ils ont compris, ils ont dit, il faut le faire. Il n'y a pas eu, disons, d'arrêt. Il faut publier dans toutes les villes afin que cette fête soit célébrée de la manière dont ça a été écrit dans la loi. Écoute d'abord, lecture. Ensuite, lorsqu'ils ont compris, ils mettent en application directement. Et il est dit, tous, dans toutes les villes, la publication a été faite et les gens se sont engagés à effectivement construire ces huttes-là lors de cette fête. Elle a duré 7 jours et pendant chaque jour de la fête, il y avait encore la lecture de la parole. Voyez, pendant la fête, chaque jour de fête, il y avait la lecture encore de la parole. Pourquoi? Parce qu'il tenait à comprendre. Et on dit, cette célébration a été une célébration exceptionnelle. Mes frères et mes sœurs, voyez comment des gens s'approchent de cette parole. Cette parole les guide. Sans cela, qu'est-ce qu'il peut faire? Et si vous lisez la suite, lorsque Esdras va expliquer, il va dire beaucoup de choses à propos de l'histoire de ce peuple-là. Du début, leurs ancêtres jusqu'à eux. Et la manière dont les uns et les autres se sont comportés. Et chaque fois que les gens ont tourné dos à la loi, il y a eu toujours des problèmes. Chaque fois qu'ils ont tourné dos à cette loi, il y a eu toujours des problèmes. Donc, comprendre cette loi était nécessaire. Je vais au chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Verset 3. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Carmiel, Shebania, Bouni, Jérébia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashabnia, Sherebia, Odija, Shebania et Petaja dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux et la terre, et toutes les armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Après avoir lu, ils ont décidé de passer du temps dans le jeûne. Et passer ce temps dans le jeûne, voyez ce qu'ils ont fait. Il est dit qu'ils ont fait un quart de la journée dans la lecture, un quart de la journée à se confesser. Moi, je vous pose la question. Un quart du jour, ça fait combien d'heures? C'est combien? Hein? 6 heures. C'est ça? Vous pensez qu'effectivement, en 6 heures de temps, vous pouvez vous placer et puis commencer à dire vraiment, Seigneur, mais tout ce que vous avez fait comme péché là, vous avez tout dit. Ou bien, peut-être certains vont dire qu'ils ont tout dit, ils sont finis, c'est fini maintenant. C'est pas ça? C'est pas ça? Non. Ce n'était pas pour leur péché à eux seulement. Ils ont dit même pour leurs ancêtres. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était assez important pour eux. Est-ce que Dieu ne connaît pas tout ce qu'ils ont fait comme péché? Dieu sait. Mais ils avaient décidé de mettre du temps de côté pour cela. Et ce n'était pas quelque chose qui se fait à la va-vite, et puis on a la paix, et puis on s'en va. Non. Moi, je pose la question. Lorsque nous allons devant Dieu, comment est-ce que nous nous comportons? Un quart de la journée pour la lecture, un quart pour confesser ses péchés? Ça fait 12 heures, non? 12 heures de temps. Oui, mimi. C'est beaucoup, hein? C'est pas vrai? Ah! Mais voyez, c'était nécessaire de le faire. Et ce n'était pas une poignée de personnes, c'était tout le peuple. Et on nous a dit, ils portaient le sac. Portaient le sac à l'époque chez eux. C'est comme ça, c'est pour montrer réellement leur humilité. Ils s'humilient devant Dieu. Certains même versent la cendre sur eux. C'est se rabaisser sur tous les plans. Montrer à Dieu, voilà, nous sommes devant toi. Nous nous humilions devant toi. Ils l'ont fait pour encore être en bon rapport avec Dieu. Mais sur la base de sa parole, ils ont écouté. On a lu cette parole, ils l'ont écouté, ils se sont rendus compte, après avoir compris, des fautes qu'ils avaient en eux, et il fallait se confesser devant Dieu pour encore avoir de bons rapports avec Dieu. C'est cette parole qui leur permet effectivement de savoir où ils ont chuté et qu'est-ce qu'il faut redresser. C'est pour cela que je vous ai dit, nous avons un privilège. Nous pouvons lire et à travers la lecture, nous pouvons comprendre. Et après avoir compris, il faut passer à l'étape qui est une des étapes essentielles. Il faut appliquer cela à sa vie. Vous me direz, ça c'est l'Ancien Testament. Et puis bon, parce que ce sont les justificatifs que les chrétiens donnent souvent. Hein? C'est l'Ancien Testament et puis bon, c'est eux qui se comportaient comme ça. Dans le Nouveau Testament, ça ce sont des choses... Non, non. Dieu n'a pas changé. Mes frères et mes soeurs, Dieu n'a pas changé. Sa manière de regarder le péché n'a pas changé. Non. Dieu n'a pas changé. Ces commandements, vous direz, ça c'est du passé. Mais lorsque vous regardez ce que Jésus dit, et Jésus revient encore là-dessus, il le dit clairement. Je voudrais que nous allons dans l'évangile de Jean. Quelqu'un peut nous lire dans Jean 14, verset 15. Jean 14, 15. Oui. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. Okay. C'est l'esprit de vérité. Ok. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui parlait avec ses gens. Ces commandements sont lesquels on les connaît. Il parle avec. Au verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Ce sont des conditions, non? Ou bien? En français, nous avons tous lu, on a souvent le conditionnel. Il faut raisonner à reculons. Si nous voulons bien comprendre ces versets-là. Pour que son Père nous aime, il y a des conditions. Il faut que nous gardions ses commandements. Les garder, c'est pas simplement les avoir dans nos mains et puis c'est fini. Moi, je ne pense pas. Nous avons notre Bible avec nous, là. On a beaucoup de versions. Ça, ce n'est pas garder les commandements. Les garder, ça veut dire quoi? Vous les lisez, vous les comprenez et vous les appliquez dans votre vie, dans votre marche. C'est ça, garder les commandements. Et c'est ce qu'il a dit. Et il a même dit quelque chose à cette femme samaritaine. Allons dans le chapitre 4 de Jean. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme samaritaine? Jean 4, le verset 13. Samuel peut nous lire. Jean 4, verset 13 et 14. Jean 4, verset 14. 13 d'abord. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Il faisait allusion à cette eau qui était dans le puits dont cette femme parlait. Il a dit, si vous buvez cette eau-là, vous allez encore avoir soif. Et c'est la vérité. Quand vous vous levez le matin, si vous n'êtes pas obligé et que vous avez l'occasion de boire, vous buvez combien de fois dans la journée? Fidèle, dans la journée, toi tu bois combien de fois? Beaucoup de fois, hein? Minimum. Ça, c'est le minimum, il a dit. Hein? Il y a des gens qui boivent plus que ça. Tu multiplies ça par 3 ou 4. Parce que, justement, ils savent que si vous ne buvez pas, vous allez être déshydraté. Donc, Jésus lui dit, il dit à cette dame, cette eau dont tu parles, si tu bois, tu vas encore avoir soif. Ça voudrait dire que ton problème n'est pas fini. Mais l'eau que je vais te donner, lorsque tu boiras cette eau, c'est quoi? Tu n'auras plus jamais soif et elle va être comme une source qui va couler en toi et fera que tu aies la vie éternelle. Et cette eau, c'est quoi? C'est encore sa parole qu'il a donnée à ses disciples et aussi à tous ses contemporains avec lesquels il avait chaque fois des interactions. Nous voulons cette vie. Nous ne voulons pas avoir soif tout le temps. Mais nous ne sommes pas prêts à faire le sacrifice nécessaire pour que ces commandements restent en nous. Je voudrais que nous ressaisissons, mes frères et mes sœurs. Nous avons la parole avec nous. Nous l'avons sur plusieurs supports. Nous devons réellement bénéficier de cette parole-là. La comprendre. La lire d'abord, la comprendre, ensuite l'appliquer à nos vies comme ces Israélites ont fait. Une fois qu'ils ont compris, ils se sont engagés et ils ont commencé à mettre cela en application. Nous avons trop de choses qui nous distraient. Nous avons prié tout de suite pour cette jeunesse du Canada dont le pasteur dit que le dimanche, les activités sportives et autres les attirent plus qu'aller à l'église. Peut-être que les dimanches, nous avons décidé de ne pas nous laisser attirer par ces activités-là. Ça, c'est bien. Mais est-ce que lorsque nous sommes au culte, est-ce que c'est le seul jour où nous croyons qu'il faut écouter, recevoir, ou après cela, nous continuons toujours à demeurer attachés à la parole? Si les chrétiens demeuraient chaque fois attachés à la parole, mettaient la parole en pratique, les pasteurs n'allaient pas passer toute l'année à prêcher. Ou bien, je pose la question, il y a plein d'enseignants parmi vous ici. Si les gens écoutent vos leçons, ils suivent bien, lorsque vous faites le devoir, en principe, c'est quoi? C'est de mauvaises notes? Non, ils ont de bonnes notes. S'ils appliquent, s'ils acceptent, ils se soumettent, ça sera bien. Vous croyez que les pasteurs sont contents quand on vient leur dire que tel brebis a fait ça? Et puis, ils disent, oh non, Dieu. Bon, c'est souvent eux qu'on accuse. C'est parce qu'ils ne nous nourrissent pas bien. Oui, même quand on nourrit à la cuillère, il faut que celui qui ouvre la bouche accepte avaler. Vous envoyez la cuillère pleine de nourriture, et puis elle prend, et puis après elle crache. Est-ce que ça va rentrer? Ça ne va pas rentrer. Il y a un effort individuel à faire aussi. Et je voudrais que nous réveillons et que nous soyons conscients de cette vérité-là. Ce n'est pas gratuit que les uns et les autres, vous avez pu faire l'école et vous trouver à ce niveau-là. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est même pas pour vous seul. Parce que si vous le faites, vous gardez la chose pour vous seul, vous manquez d'amour réellement. Parce que vous devez aider les autres. Ou bien, moi je pose la question, est-ce qu'on peut se limiter à soi seul, on a compris, on garde et on s'assoit? On doit aider les autres. Donc, si d'abord, vous n'êtes pas conscient que vous avez quelque chose d'utile pour vous-même, est-ce que vous allez l'utiliser pour aider les autres? Non. Non. Le travail que nous sommes en train de faire, il y a un des conseillers qui nous a expliqué. Il a dit, j'ai enseigné à l'école biblique. J'ai travaillé beaucoup dans le milieu chrétien, mais je n'étais pas encore converti. Vous comprenez cela? Il a dit, je n'étais pas encore converti. Enseignant de l'école biblique, fait beaucoup de choses. Et nous, dans nos têtes, celui qui a la Bible comprend tout, ou bien? Et puis il est d'accord avec. C'est notre compréhension. Mais il a dit, j'ai fait ça pendant des années. Je n'étais pas converti. Pour vous dire que quelqu'un peut venir et de façon sèche vous démontrer ce qui est dans la parole. Mais il n'est pas converti. Vous allez regarder sa vie, vous allez vous poser des questions. Ou bien, je dis ma première expérience que j'ai eue à la Fatia. Si j'avais la possibilité, je n'allais pas rester encore. Nous sommes allés à un culte un mercredi et celle qui était chargée de la bibliothèque est venue. Au culte, elle a dit, on a volé des livres dans la bibliothèque. Ça ne s'est jamais vu par le passé. Ce sont les nouveaux là. Ma femme me connaît. Quand je suis allé, je dis, ça là, moi je ne reste pas ici. C'est une école de théologie, non? Une faculté. Et puis, nous étions 15. Ils n'ont jamais eu un effectif aussi gros. Si on compte même ceux qui étaient déjà là, ils ne valaient pas les 15 que nous étions, les 15 nouveaux. 5 en traduction et puis 10 en théologie. Et la dame n'a pas tourné, elle a dit, on n'a jamais vu ça à la Fatia. Ce sont les nouveaux. Et puis j'ai dit, quand on est sorti, j'étais tellement furieux. J'ai dit à mes collègues, j'ai dit, on va prier jusqu'à ce qu'on découvre le voleur là. Et de la manière dont on a dit publiquement que c'est nous, publiquement on va encore lui le brandir aussi. Et puis des gens ont ri. Ils disent, pas Nazareth, toi-même tu rigoles quoi. Ça c'est quoi? Pour certains, ce n'était pas un problème. Mais regardez, vous venez d'arriver dans une maison et c'est pour faire la théologie et la traduction, on vous accuse de vol. Et puis les gens disent, c'est les miens. Vous pouvez penser que dans une faculté, on pense comme ça? Mais allez demander à ceux qui vont en faculté ou bien dans une école publique. S'ils vont vous dire ce qui se passe là-bas, peut-être que vous n'allez pas avoir envie d'aller. Vous dit, c'est ici là on apprend la chose de Dieu. On apprend la parole de Dieu, puis les gens sont méchants les uns envers les autres comme ça. Ils se querellent comme ça. Les femmes s'insultent comme ça. C'est pourquoi certaines églises exigent que le pasteur, avant d'aller à l'école publique, qu'il soit marié. Elle aussi va goûter, voir les difficultés qui sont dedans. On va lui expliquer, voilà ce que c'est que s'occuper d'un troupeau. Parce que même ceux qui sont, ces bergers-là ne sont pas faciles. Il faut vivre la réalité, et puis après vous allez comprendre. Vous voyez? Ça, dans votre esprit, si on vous dit ça, vous pouvez comprendre? Vous pouvez comprendre ça? Dans une faculté, des gens copient. Ils posent ces trucs-là, ils posent comme ça, sur ses genoux, et puis copient pendant le devoir. Vous pouvez comprendre ça? Non! Voilà, ce sont ces gens qui veulent demain, demain être des pasteurs. Et même lors des soutenances, on dit à certains, non. Ce que vous avez fait là, c'est du plagiat. Vous avez coupé quelque part, voilà le document. Mais vous voyez que ces gars du jury là sont terribles. Hein? Ils vous démolissent tout. Ils disent ça, non, ça c'est pas pour toi. Ça c'est du vol. Et puis bon, vous êtes devant les gens. Voilà des gens qui sont en train de finir, qui soutiennent et on lui dit ça. Bon. Mais c'est comme ça, c'est là-bas. Voilà ces grands passeurs là. C'est pourquoi ce monsieur, lui, il a été correct. Il a dit, j'ai enseigné à l'école publique des années, mais je n'étais pas converti. Jusqu'à ce qu'une nuit, ma femme rentrant, elle est venue, elle m'a réveillé. Elle a parlé avec moi. Elle a parlé longuement. Après, je me suis rendu compte, quelque chose m'a touché dans le cœur. J'ai commencé à pleurer sans me rendre compte. Et puis, je me suis agenouillé. J'ai dit, oui, vraiment, il faut que j'accepte le Seigneur. Voilà quelqu'un qui a enseigné dans l'école depuis longtemps. Vous comprenez? C'est pourquoi, si je vous interpelle, c'est pour que chacun rentre en lui-même encore pour revoir. Ce n'est pas avoir la parole de Dieu là avec nous qui fait que nous comprenons. Non. Est-ce que nous sommes prêts à obéir comme ces Israélites ont fait? Ils ont compris, ils ont appliqué. Je voudrais que nous nous rappelions cela. Nous avons beaucoup de versions, nous avons beaucoup de facilité d'être en contact avec la parole de Dieu, mais est-ce que c'est la bonne manière? Allez en arrière, allez vous asseoir avec les vieux chrétiens, les pasteurs, posez-leur les questions à propos de l'Église, quand ils étaient jeunes, comment ils étaient, et demandez-leur aujourd'hui, la manière dont l'Église est. Beaucoup vont vous dire, tiens, va tirer ma main. Les chrétiens ont changé. C'est pas vrai? Les chrétiens ont changé. Ils ont changé pour quelle raison? Simplement parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Si nous l'avons dans nos mains, si nous la mettons en pratique, nous n'avons pas changé parce que la parole n'a pas changé. La parole nous exige de nous que nous soyons de bons témoins. Si vous êtes un bon témoin, vous n'allez pas rentrer dans les deals. Ou bien, c'est comme ça que vous les appelez, non? Un bon témoin ne rentre pas dans les deals. Hein? On dit gombo, on dit faut faire attention. Il faut vérifier, voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché sous? Et on voit qu'il y a quelque chose de caché, on dit non, on n'est pas dans ça. La Bible te conseille de ne pas rentrer dedans. Il ne faut pas prendre parce que c'est de l'argent. Non. Et comment on l'a acquis, cet argent-là. On se joint dans un groupe pour défendre, pour exiger des choses. On réfléchit un peu. Qu'est-ce que Dieu te dit à toi? Cette manière de faire, est-ce que c'est la bonne? Où ça te conduit? Est-ce que c'est normal ce que vous faites? On s'appuie sur du mensonge. Je dis non. Non. Nous devons revenir sur nous-mêmes et retourner à cette parole-là. Nous donner cette discipline de chercher à la comprendre, qu'on ne se limite pas à la compréhension, mais à la mettre en pratique. Les gens diront tout ce qu'ils voudront de nous. Ça, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas obligés d'être comme les autres. Non. J'aime dire aux gens, moi c'est moi, eux c'est eux. Je ne suis pas prêt à faire comme eux parce qu'on doit faire comme eux. Non. Si je ne suis pas convaincu, je ne vais pas dans cette direction-là. Il faut avoir ce courage. Nous sommes chrétiens. Nous avons dit oui que nous allons suivre le Seigneur. Il ne faudrait pas que nous le suivions et ensuite qu'on nous accuse qu'on n'a pas bien fait. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Vous faites bien. Lisez la suite. Vous allez voir tout ce qui est arrivé à ces Israélites chaque fois qu'ils ont tourné le dos. Et pourquoi ils ont été déportés? Pourquoi d'autres peuples étaient sur eux? Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. C'est vrai, Dieu est miséricordieux. Lisez la suite jusqu'au chapitre 10. Je vous encourage à lire. Toute l'histoire est résumée. Et chaque fois, Dieu, dans sa miséricorde, les a encore ramenés. Et même les 40 années qu'ils ont passées dans le désert, si vous lisez, leurs chaussures ne se sont pas usées. Leurs habits ne se sont pas usés. Vous comprenez cela? Les dames là, dans l'année, vous cousez combien de tenues? Deux? Combien? 12. Chaque mois, une tenue. Elle est honnête. Il y en a qui font plus que ça. J'étais sur mon voisin tailleur qui me disait, j'aime le provoquer, c'est un mot aussi. Je lui ai demandé, je dis, j'espère que pour la fête, là, les femmes ne sont pas venues te serrer les cols. Hein. Il dit, pasteur, est-ce que ça peut finir? Et il m'explique. Il dit, pasteur, on ne peut pas échapper à ça. Les coupures font qu'on ne peut pas, les machines ne marchent pas. J'ai même payé un groupe, ça ne marche pas. Mais regarde ces femmes-là. Et puis, il m'explique maintenant. Il dit qu'il y a une qui a amené 5 complets. Et elle a dit, il faut les coudre pour que je les ai à la fête. Et puis, j'ai dit, mais les 5-là, c'est pour quoi faire? Il dit, non. Elle porte, elle sort, elle revient, elle porte, elle sort, elle revient. Il dit, mais avec ça, comment tu peux programmer pour ne pas être pris de court? Donc, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Les femmes cousent beaucoup d'habits. Souvent, ce n'est pas usé, mais elles changent. Dans le texte, ils ont fait 40 années dans le désert avec Dieu. Leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs habits ne sont pas usés. Pour dire que Dieu est un Dieu de provision. Hein? Vos chaussures là font combien? Toi, oui. Ta chaussure là fera combien de temps? Si vous pouvez se lever et dire que c'est cassé, c'est coupé. Ça ne va pas durer. Mais eux, ils ont marché 40 ans, les chaussures ne se sont pas usées, les habits ne se sont pas usés. Mes frères et mes sœurs, je voudrais que nous regardions encore la parole de Dieu avec tout le sérieux qu'il faut. Si vous lisez le psaume 119, on nous donne les nombreuses qualités de la parole. Nous avons la nourriture avec nous. Nous devons, de façon appropriée, la prendre pour grandir. Veuillez vous tenir debout, on va prier. Que chacun prie pour lui-même. Que Dieu l'aide à changer sa manière de regarder à cette parole-là. De la regarder de la bonne manière. De l'utiliser comme il se doit. Et de comprendre et de l'appliquer à sa vie quotidiennement. Chacun prie pour lui-même. Prions. Père, je te bénis encore ce matin. Je te loue encore ce matin pour ta bonté. Je te loue encore ce matin pour ta fidélité. Ta parole est celle dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin de vous. Aide chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique. Aide-nous à l'appliquer à nos vies. Aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous. Je te bénis ce matin pour cela. Je te loue ce matin. Je te glorifie ce matin. Ô Seigneur, Merci. Père, voici ton peuple debout devant toi, t'implorant, te demandant de nous aider. Lis ta parole de façon convenable. Que ton esprit nous aide à la comprendre. Et que Seigneur, tu nous aides à l'appliquer dans notre vie quotidiennement. Afin que Père, oui, nous soyons ceux que tu aimes. Car c'est ce que ton Fils a dit. Nous voulons te demander cela. Donne-nous la force de surmonter toutes les épreuves et tous les obstacles qui peuvent se trouver devant nous, nous empêchant réellement de comprendre cette parole, de l'appliquer dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu as dit de demander et nous recevrons afin que notre joie soit parfaite. Nous t'avons demandé cela. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur d'avoir répondu. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse tous.